j'aime le travail. Pour que j'aie tes diplômes, ils sont prêts à se saigner. Leur plus grande joie en somme est que je sois bien intégré. Puis vint le bon moment où je commençais à douter, à voir les uns se crever et les autres récolter. Je me suis mis à comprendre le secret des secrets, c'est que le rock m'a bercé la vie plus l'électricité. Ils ont tous des problèmes avec leur petit devenir. L'énergie se fait rare et ils commencent à bien pâlir. Même si les puits de pétrole venaient à bégayer, pour avoir du rock ma belle branche donc l'électricité. Mon père croit sur parole ce que dit le président. Ma mère, je me suis branché sur une petite qui se disait libérée, qui parlait de feu des deux rages en regardant la télé. Mais misère des misères, un jour elle m'a demandé si ma vie tout entière au son du rock allait couler. J'ai pris ma vieille guitare et mon ampli fêlé, et j'ai couvert de rock le son merveilleux.